Elle est folle, m'avait-on dit, et dans les gares, chaque nuit, durant des heures, se promène. Intriguée, soudain, j'ai voulu savoir le véritable but que poursuivait cette âme en peine. Et la vieille m'a répondu, sans nulle gêne, j'attends le train qui doit un jour me conduire au pays du rêve, sur une vaste et blanche grève où le printemps dure toujours. Vous me direz, je sais qu'il tarde, que bientôt la pluie et le vent auront fini d'user mes hardes. Ça ne fait rien, j'attends, car lui seul me ramènera vers le soleil, vers le beau gars qui m'a jadis abandonné. Je lui dirai tout simplement, j'ai souffert, vois-tu, tant et tant, que ta faute en est pardonnée. Je lui dirai, oui, mais avant, jamais lassé, j'attends le train qui doit un jour me conduire au pays du rêve, sur une vaste et blanche grève où le printemps dure toujours. Fini les combats, les épreuves, la pluie infernale et le vent, j'aurai de belles robes en or. Aussi, voyez, j'attends. La nuit triste allait s'achever lorsque j'ai vu sur le pavé s'abattre la pauvre démente. La mort, à ses grands yeux déjà, donnait un irréel éclat, une grâce encore plus touchante. Alors, j'ai murmuré là-bas, soyez contente. Voici le train qui doit un jour vous conduire au pays du rêve, sur une vaste et blanche grève où le printemps dure toujours. Mais avec un dernier sourire, je n'obtins qu'un abrant regard, mieux que tous les mots sachant dire. Trop tard, hélas, il est trop tard.